était arrivé, le fiacre l'emportait. Toujours la même ville, toujours les mêmes gares. Des églises barbares. Saint-Pétersbourg, ma ville. Ivanovitch est là. Ivanovitch est là. Et le ciel est toujours si gris. Et la pluie chaque jour si triste. Tout est fermé, la maison et la solitaire. Une rumeur, un pas traîné, la porte s'ouvre un peu. Et il est entraîné par ceux qui l'appellent mon frère. Ivanovitch est là. Ivanovitch est là. Et le ciel est toujours si gris. Et la pluie chaque jour si triste. Dans un coin du logis, tous se pressent autour de lui. La fille a l'air fanée et le garçon gêné. Le père et tous les apprentis qui rêvent de Paris. Ivanovitch est là. Ivanovitch est là. Et le ciel est toujours si gris. Et la pluie chaque jour si triste. Ivanovitch est là. Ivanovitch est là.